notamment au Vietnam, et la guérilla kurde deviennent une sorte d'équivalent de ces luttes anticoloniales. Et donc, du coup, vous voyez là encore la constitution d'une sorte de famille universelle dans laquelle les Kurdes se trouvent. Dans les années 1920 et 1930, la famille universelle avait été cette famille européenne ou occidentale par l'entrée de la civilisation, alors que quelques décennies après, cette famille universelle, c'est la famille universelle des peuples premiers, opprimés. Et il y a un troisième point qui est extrêmement important, qui intervient dans cette, qui peut expliquer dans cette adhésion à la gauche, c'est que la gauche, à l'époque, promet d'accorder aux peuples opprimés le droit de déterminer, de disposer d'eux-mêmes. On sait que dans la réalité, cela n'a jamais été le cas. On sait que l'Union soviétique a été très très oppresseur par rapport à ses propres minorités. On sait que la gauche arabe ou la gauche turque n'ont jamais été si clément avec cette idée si bienveillante à l'égard des Kurdes ou d'autres minorités qui voulaient effectivement accéder à l'indépendance. Mais il n'en reste pas moins que théoriquement, la gauche promettait une telle perspective. Et durant cette période, on sait, et cette période, à vrai dire, comme j'ai dit, c'était une période qui a continué jusqu'aux années, c'était une période du Moyen-Orient, c'était pas uniquement une période kurde. Mais à partir de 1979, graduellement, vous avez effectivement la montée de l'islamisme sur laquelle je reviendrai. Mais cet héritage, et il ne reste que dans les années 80, deux espaces au Moyen-Orient, le Kurdistan et la Palestine transfrontalière ou supraterritoriale qui reste encore ancrée à gauche. Effectivement, la gauche disparaît du reste du Moyen-Orient. Les Kurdes restent encore attachés à cette idée de gauche. Et cette idée de gauche crée une sorte d'héritage. L'islamisme ne prend pas. L'islamisme qui prend un peu partout au Moyen-Orient n'arrive pas à s'ancrer dans la durée au Kurdistan. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parti kurde. Au contraire, au Kurdistan d'Irak, qui depuis 1991 est plus ou moins autonome, voire de plus en plus autonome, sous le statut de fédération, les partis islamistes représentent 12, 13, 14%. Il y a eu des militants ultra-radicaux islamistes kurdes. Mais l'islamisme, comme syntaxe dominante, comme axiologie dominante, n'a pas pris, car il y avait ce fort ancrage à une tradition politique qui n'était pas islamiste et qui avait permis la naissance des partis politiques qui ont gagné leur légitimité et qui ont pu s'ancrer dans la durée. Mais je crois que cette tradition a aussi expliqué que à un moment donné, on a pu envisager une kurdicité plurielle. Une kurdicité plurielle qui ne peut pas se réduire à un seul engagement idéologique. Comme j'ai dit, la kurdicité est déjà plurielle de par la division du Kurdistan, mais en même temps, on sait que par les engagements passés, a émergé un mouvement féminin, voire féministe kurde, notamment en Turquie. Ce mouvement a émergé d'abord à la suite de l'engagement des femmes dans la lutte politique, voire dans la lutte armée. Beaucoup de femmes en Syrie, kurdes en Syrie, en Turquie, ont participé à la lutte armée, un peu moins en Irak, mais beaucoup aussi en Iran. Elles se sont engagées dans la défense de la lutte, dans la cause kurde, et en même temps, graduellement, ces femmes-là, grâce à la militance qui était la leur, grâce à l'esprit de sacrifice qui était le leur, ont pu gagner aussi une autonomie, voire une indépendance, pour s'imposer comme des actrices politiques quasi autonomes. On sait que de la même manière, beaucoup d'intellectuels ont adhéré à la lutte nationale, voire sont devenus, dans certains cas, des militants de base, Beaucoup d'entre eux ont aussi participé à la lutte armée. Une grande partie des Peshmerga du Kurdistan d'Irak étaient, à vrai dire, des intellectuels. Mais graduellement, ces intellectuels se sont différenciés, n'ont pas rompu leur lien avec la défense de la cause kurde, mais ont rompu leur lien avec des partis politiques kurdes, ont créé des initiatives intellectuelles qui ne sont pas directement politiques pour pouvoir gagner une autonomie. Et juste pour vous donner une idée, il y a 30 ou 40 ans, personne n'aurait pu imaginer qu'on pouvait avoir une musique rock kurde. Cela était tout simplement incompatible avec les valeurs de la nation. Or, aujourd'hui, il y a une musique rock kurde, voire le PKK organise lui-même des concerts. Il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait qu'une littérature militante kurde. Littérature au sens roman, voilà, belles lettres. Aujourd'hui, vous avez au contraire une littérature postmoderne, une littérature mélancolique, une littérature individualiste, individuelle, kurde. Il y a 30 ou 40 ans, la littérature devait parler des Kurdes, de la lutte kurde. Aujourd'hui, dans des cafés kurdes, on se dispute autour de Deleuze et de Martin. Donc vous voyez comment, à un moment donné, cette militance ancienne, qui n'était que purement nationale, a produit des effets qui ont dépassé de très loin l'engagement au sein d'un parti politique ou au sein d'un groupe de guérillas pour produire énormément de différenciations. L'exil a également contribué à cela. Dans les années 80, s'est forgée une diaspora kurde. Avant, on avait des Kurdes en Europe, mais qui ne constituaient pas une diaspora, qui constituaient une petite communauté d'activistes ou de militants politiques. À partir des années 80, on a la formation d'une diaspora qui aujourd'hui sans doute compte plus d'un million et demi d'habitants en Europe, de personnes en Europe, et cette diaspora s'est considérablement différenciée. Graduellement aussi, on a vu émerger des cadres technocratiques et bureaucratiques professionnalisés, alors que par le passé, cela n'était tout simplement pas envisageable. Le fait que le Kurdistan d'Irak accède à l'autonomie et qu'au Kurdistan de Turquie, depuis une dizaine d'années, on a eu une situation de mi-totale guerre, mi-totale paix, mais où il y a des représentations municipales kurdes extrêmement denses, fait que beaucoup de Kurdes, beaucoup de cadres politiques kurdes se convertissent ou se réconvertissent en cadres professionnels, technocratiques, bureaucratiques ou éducatifs, ou tout ce que vous pouvez, associatifs, tout ce que vous pouvez imaginer. Et je crois que, pour donner un autre exemple, à la fin des années 70, je crois que ce qu'on appelait la bibliothèque kurde comprenait à peine 25 ouvrages en français, en anglais et en allemand. Aujourd'hui, il y a pratiquement une thèse qui est défendue, soutenue par moi uniquement en langue anglaise. On ne peut plus, aucun chercheur ne peut plus maîtriser la littérature scientifique sur les Kurdes. Il y a des centaines de bouquins qui apparaissent. Et le groupe Internet des études sur le Kurdistan comprend quelques 1200 membres à travers le monde. Donc, je crois que sans ce passé militant de gauche, avec tous ses égarements, toutes ses dérives éventuelles, avec toute sa naïveté, très probablement, une telle formation plurielle de la kurdicité n'aurait pas pu avoir lieu. Et on voit par ce biais-là aussi comment la kurdicité devient finalement lieu à un champ extrêmement élargi, qui trouve d'ailleurs sa traduction sociologique, par exemple, dans l'émergence des classes moyennes un peu partout au Kurdistan aujourd'hui, notamment en Turquie et en Irak, mais aussi en Iran. La situation étant hélas dramatique, sur laquelle on reviendrait, hélas dramatique, au Kurdistan de Syrie. Euh, Cette situation, donc, c'est cette division des Kurdes sur laquelle j'ai insisté, continue encore aujourd'hui, mais depuis une trentaine d'années, ou une vingtaine d'années, on a une transformation à la fois du Moyen-Orient, mais aussi de l'espace kurde. La transformation du Moyen-Orient s'explique, je crois qu'on peut le dater, de 1991, c'est la deuxième guerre du Golfe. L'Irak occupe le Koweït en 1990. Les Occidentaux interviennent, à commencer par les États-Unis, mais la France aussi. Il y a une révolte chiite dans le sud de l'Irak et une révolte kurde dans le nord de l'Irak. Le président Bush, le père de Bush actuel, décide de maintenir Saddam Hussein au pouvoir, malgré sa défaite. Et puis, au sud, Saddam Hussein peut massacrer comme il veut. Et sans doute, il y a eu quelques 100 000 exécutions tout de suite après donc, l'éclatement de la révolte chiite. Au nord, il y a des caméras. Il y a des chaînes de télévision du monde entier. Et grâce à l'intervention de Mitterrand, notamment, l'ONU est obligée d'intervenir et déclarer le Kurdistan, une partie du Kurdistan d'Irak, une zone protégée, où l'armée irakienne n'a pas le droit d'intervenir. Et cela permet graduellement la naissance d'une région autonome kurde qui va se transformer à partir de 2005 en une région fédérée qui est très largement pacifiée, qui a beaucoup de potentialités économiques, très largement pacifiée, mais il y a eu quand même des conflits internes sur lesquels on peut revenir si vous voulez par la suite dans la discussion. Donc, cette emprise de l'Irak sur le Kurdistan s'est estompée graduellement pour pratiquement disparaître totalement aujourd'hui. En Turquie, la situation a évolué aussi, non pas parce que le contrôle de l'État central sur le Kurdistan a diminué, mais au bout de 35 ans de lutte armée et de répression massive, la Turquie a saisi, à la faveur des changements internes aussi, a saisi l'impossibilité de résoudre la question kurde par la répression. Et donc, on a vu l'espace des politiciens kurdes agissant sur un plan légal s'élargir et des négociations entre le PKK, qui est le principal acteur kurde en Turquie, et le gouvernement de Turquie se mettre en place. Et en Syrie, à partir de 2012, le gouvernement de Bachar al-Assad s'est retiré d'une grande partie des villes kurdes de Syrie, pour des raisons multiples sur lesquelles on peut revenir aussi. Mais là, comme le temps presse, je vais laisser cette dimension au débat, aux discussions. Et on peut dire aujourd'hui que finalement, il n'y a que l'Iran qui n'a pas changé de position par rapport à ses propres Kurdes. Pour le reste, l'espace kurde va beaucoup mieux que par rapport à il y a 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Surtout, alors qu'il y a encore 20 ans ou 25 ans, il y avait 4 protagonistes étatiques. Désormais, on n'a plus que 2 protagonistes étatiques majeurs, car l'Irak et la Syrie, pour le meilleur et parfois surtout pour le pire, ne comptent plus. Donc, l'Iran et la Turquie sont des acteurs désormais majeurs qui contrôlent l'espace kurde et qui déterminent l'avenir de l'espace kurde. Cet espace est beaucoup plus intégré que par le passé. Les frontières qui étaient parfaitement militarisées, comme je disais, ont perdu énormément de leur poids. Aujourd'hui, il y a une fluidité entre le Kurdistan d'Irak et le Kurdistan de Turquie, de Syrie, qui est quasi complète. La frontière n'est contrôlée que par les Kurdes, à la faveur de la disparition ou de l'effacement des États irakiens et syriens. Il y a une très grande fluidité entre le Kurdistan irakien et le Kurdistan de Turquie, même s'il faut montrer des passeports ou ce que vous voulez, il y a une mobilité extrêmement importante qui est commerciale, mais aussi intellectuelle politique, tout ce que vous pouvez imaginer. La situation va mieux. Cela étant dit, on a l'impression que les Kurdes se trouvent dans une situation inédite, car la région du Moyen-Orient se trouve dans une violence généralisée. Je n'interviendrai pas sur les raisons de cette violence généralisée. Cette violence généralisée s'explique d'abord par les crises internes en Irak depuis 2003 et par la lutte confessionnelle qui se mène dans ce pays, par la guerre civile qui s'est menée entre 2004 et 2007 entre les sunnites et les chiites et qui s'est aggravée récemment, et par la guerre civile syrienne qui s'est transformée aussi en une guerre qui est purement social-darwiniste, portant sur l'extermination de l'une ou de l'autre des communautés. Ces conflits qui secouent ces deux sociétés ne sont pas des conflits liés à la question kurde. Il ne s'agit plus d'une dialectique arabo-kurde, mais d'une dialectique arabo-arabe. Ce sont les protagonistes arabes qui sont en guerre, et c'est la société syrienne arabe ou la société irakienne arabe qui est en train de s'effondrer, voire dans certains cas disparaître. Et on dirait qu'à la limite, même si demain le Kurdistan quittait ces deux pays, déclaration d'indépendance aussi bien en Irak ou qu'en Syrie, le conflit irakien ou le conflit syrien ne changerait pas de sens ni de dimension. Et ces conflits sont des conflits lourds. Juste pour vous donner une idée, concernant la Syrie, si on devait transposer le conflit syrien dans le cadre de la France, d'un pays comme la France, cela signifierait 750 000 morts, 32 millions de déplacés et de réfugiés, et des villes comme Rennes, Lille, Marseille n'existeraient plus en 3 ans. Donc voilà, effectivement, il y a une dynamique de destruction des sociétés qui sans doute était inédite depuis 1915 dans la région, et qu'on peut comparer à ce qui s'est passé en Allemagne nazie ou en Europe sous l'Allemagne nazie. Mais en même temps, ce conflit, ces conflits-là, comme j'ai dit, ne sont plus des conflits qui opposent des Kurdes à un État arabe, ce sont des conflits internes. Mais cela pose énormément de problèmes pour les Kurdes, malgré tout. Le premier problème, c'est que pour la première fois, les Kurdes ne partagent plus la même langue politique avec leurs voisins. Dans les années 1920 et 30, les Kurdes avaient un langage occidentaliste. Ce langage occidentaliste existait aussi dans le monde arabe, en Turquie ou en Persane. À la limite, les Kurdes renversaient l'équation en disant que ce n'est pas les États arabes, iraniens ou persans ou turcs qui représentent l'Occident ou la civilisation, c'est nous. Dans les années 50 ou 60, 70, il y avait un langage politique commun. Les peuples opprimés, les classes opprimées. La dialectique du maître et de l'esclave. Les Turcs pouvaient dire aux Arabes, ou aux Turcs, ou aux Persans, nous nous battons non seulement pour nous, mais nous nous battons aussi pour vous émanciper, pour vous délivrer. Y compris dans les années 90 ou 2000, les Kurdes se présentaient comme faisant partie de l'opposition démocratique irakienne ou de l'opposition démocratique syrienne. Même si les espaces étaient considérablement différenciés, il n'y avait pas encore une logique de rupture. Il y avait une logique de continuité qui ne se traduisait pas. Dans la pratique, la séparation avait eu lieu, mais on pouvait encore avoir un communion intellectuel qui pouvait déboucher sur quelque chose d'internationaliste. Or, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que les sociétés arabes ne peuvent plus apporter grand-chose aux Kurdes, et inversement, les Kurdes ne peuvent plus intervenir dans les débats intra-arabes pour définir l'espace politique arabe. Et cela crée une sorte de vide ontologique. Les Kurdes doivent de nouveau se définir en discontinuité avec leurs voisins Et cette définition se fait soit par l'adhésion au discours occidental, de nouveau, occidentaliste, donc voilà, Bruxelles, Washington, les droits de l'homme, la défense de la civilisation, la lutte contre la barbarie, soit par des mots d'ordre de la démocratie radicale, comme l'écologie, le féminisme, l'indigénisme, ou la démocratie radicale, telle qu'Abdullah Öcalan, le leader du PKK, défend aujourd'hui et que l'équipe syrienne essaye de mettre en place. Et cette idée de démocratie radicale vient d'ailleurs d'un militant et penseur libertaire anarchiste américain, Murray Bookchin. Donc on voit que dans la mesure où la proximité n'est plus possible, une façon d'inventer un sens politique dans la proximité avec les voisins n'est plus possible, il y a une sorte de d'éloignement pour pouvoir réinventer un sens politique. Et ce sens politique, comme je dis, c'est soit dans le discours à la mode en Occident, soit dans ce discours alternatif sur la démocratie radicale. Mais surtout, la crise qu'on a aujourd'hui d'espace kurde, c'est que les Kurdes pensaient que le conflit était terminé en Irak et en Syrie, que la mort était expulsée de la cité kurde, et qu'on pouvait passer à une construction politique. Or, depuis 2014, et la naissance de l'État islamique, ou sa propagation, on a vu que la situation a changé. En 2013 encore, les Kurdes pouvaient imaginer la cité kurde comme une sorte d'Athènes kurde. En Irak, il y avait un système mi-patrimonial, mi-démocratique, avec une vraie pluralisme politique. Mais en même temps aussi, avec la domination des anciens cadres politiques. Et en Syrie, le gouvernement syrien s'était retiré en 2012 de l'espace kurde. Il y avait un système mi-hégémonique, mi-représentatif, plaçant un parti pro-PKK à la tête du système kurde. Or, après les défenses de l'État islamique de Abu Bakr al-Baghdadi, la mort est de nouveau de retour dans la cité. La mort est de retour et cela oblige aussi la cité kurde de se remilitariser, de redevenir une sorte de Sparte. Se remilitariser, se professionnaliser au Kurdistan d'Irak, mettre en place comme à Kobané une mobilisation militarisée. Et les deux conflits, à la fois au Kurdistan d'Irak et au Kurdistan de Syrie, notamment à Kobané, ont coûté la vie à plusieurs milliers de Kurdes en un an. Il y a eu des massacres de civils absolument atroces, de yézidis, de chrétiens. Il y a eu d'ailleurs aussi des massacres de sunnites arabes. Et donc les Kurdes doivent désormais se militariser. Ils savent que le passé n'est pas fini. Que ce passé dans lequel ils étaient engagés dans des luttes armées pendant de très longues décennies, jusqu'aux années 91, jusqu'à 91 en Kurdistan d'Irak, et même s'il n'y a jamais eu de lutte armée proprement en Syrie, les Kurdes syriens étaient engagés dans la lutte armée irakienne de Turquie, voilà, de nouveau, la lutte armée est là, sauf que cette lutte armée n'est plus contre un État. Et là, ça pose aussi un problème. Comment définir le nouvel ennemi? On savait définir l'État irakien, on savait définir l'État syrien, on savait définir l'État turc. Les Kurdes s'étaient toujours positionnés par rapport aux États. Ils avaient élaboré leurs symboles en contrepartie des symboles de l'État. Il y avait une sorte de continuité négative entre les États, le nationalisme officiel et les mouvements kurdes et la résistance kurde. Il y avait cette continuité qui faisait qu'effectivement la kurdicité se définissait sous forme d'opposition aux États. Or, un État est une entité westphalienne. Un État, c'est une entité qui est reconnue internationalement, avec une capitale. Comment définir un nouvel ennemi qui est basé sur la transhumance militaire, à une très grande échelle, qui regroupe des dizaines et des dizaines de milliers de combattants qui ne sont ni irakiens ni syriens, même s'il y a beaucoup d'Irakiens et beaucoup de Syriens, bien entendu, mais qui peuvent avoir des Français, qui peuvent avoir des Tunisiennes, qui peuvent avoir des Turcs, qui peuvent avoir des Centra-Asiatiques, qui ne sont pas des mercenaires, qui ne constituent pas une armée nationale non plus, ni une armée professionnelle, mais une armée de volontariat, et qui met en place une cruauté qui dépasse de loin ce qu'on aurait pu imaginer. Et désormais, les Kurdes partagent un territoire, non pas avec l'Irak ou avec la Syrie, mais avec cette nouvelle État. Le nouveau voisin s'appelle l'État islamique, qui est le nouvel ennemi, mais qui est aussi le nouveau voisin. Et Massoud Barzani, le leader du Kurdistan d'Irak, disait « Nous n'avons pas quitté l'Irak, l'Irak nous a territorialement quittés. » Pourquoi ? Parce qu'on partage désormais 1053 km de frontière avec qui ? Non pas avec Bagdad, mais avec l'État islamique. Kobané est encerclé de trois côtés par qui ? Par l'État islamique. Kobané est dans la continuité du Kurdistan du Turquie, mais se trouve dans un territoire arabe. Et comme la Turquie a bloqué la frontière, donc voilà, on se trouve encerclé de quatre côtés pratiquement, non pas par un État. Dans le nord, il y a la Turquie, c'est un État. Mais dans le sud, il n'y a pas d'État. Mais nous avons un voisin, un ennemi, qui s'appelle l'État islamique. Et du coup, pour les Kurdes, aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est de pouvoir se redéfinir par rapport à cela. Comment interpréter la lutte kurde dans cette configuration? On sait que la ville de Shengal, Sinjar, où il y a eu le martyr des Yézidis, est déjà devenu un lieu mythique, symbolique pour les Kurdes. On sait que Kobané est devenu un lieu symbolique et mythique pour les Kurdes. Mais ça ne suffit pas. Comment maintenant on va dire que la Kurdicité du XXIe siècle se trouve partiellement, non pas en rapport avec les États, mais avec cette énigme qu'on n'arrive pas à définir? Et par quel biais idéologique répondre à cette énigme? Comment s'adresser aux populations arabes qui sont soumises au contrôle de l'État islamique? Comment établir des continuités avec cette population? Et si on n'arrive pas à établir des continuités, comment s'imaginer comme une île au sein d'un océan qu'on ne maîtrise plus? Et c'est vrai que pour les Kurdes, je crois, la question principale aujourd'hui, ça va être cela. Quel type de réponse à apporter à cette évolution. Certes, on peut dire qu'on est civilisé, on accepte les valeurs occidentales, ou on est dans une quête de démocratie radicale. On veut refonder la cité démocratique sur une base entièrement nouvelle, mais que faire lorsqu'il y a de telles difficultés? Et je crois que, bon, je vais m'arrêter là, pour dire que, bon, la violence qu'on avait imaginée, exclue ou faisant partie dans une partie du Kurdistan, est toujours là, sauf qu'elle a considérablement changé, et elle a changé aussi la bombe kurde. Merci Amine. Impressionnant. Et dense. La position de l'URSS vis-à-vis de la question kurde, et notamment à la période des luttes anticolonialistes des années 60-70, et inversement la création du PKK en 78, comment eux se positionnaient vis-à-vis de l'histoire soviétique? Est-ce qu'ils ont essayé de faire rentrer Marx, Lénine ou Staline dans le Panthéon, justement? Est-ce qu'on prend une, deux ou trois autres questions? Si vous permettez, et en approfondissant ce qui vient d'être dit, donc, par rapport à l'analyse régionale que vous venez de faire, entre 1915 et 2015, donc c'est un petit défi que je vous propose, est-ce que vous pouvez nous donner une lecture géopolitique qui replace cette situation régionale que vous voulez analyser? Oui. Bon, peut-être que je commence par la deuxième question. Donc, 1914... la guerre, la Première Guerre mondiale, 1915, le génocide arménien, auquel une partie des Kurdes a participé. 1918, la dissolution de l'Empire ottoman et la création de nouveaux États, irakiens et syriens. après de longues décennies, à la fois de troubles internes, de l'instabilité, et puis à partir de 1952, tout le Moyen-Orient bouge. 1948, c'est la création de l'État d'Israël. 1952, c'est la révolution, c'est qu'on appelle la révolution égyptienne. 1958, c'est qu'on appelle la révolution irakienne, dans les faits, il s'agit des coups d'État. 1963, de nouveaux coups d'État, à la fois en Irak et en Syrie. Donc on a l'impression qu'effectivement, voilà, après la période de la domination française et britannique dans la région, on rentre dans une période mais vraiment d'instabilité totale. Et cette instabilité signifie aussi qu'à un moment donné, le Moyen-Orient se trouve en pleine guerre froide, qui a sa propre guerre froide. L'Irak, la Syrie, l'Égypte, le Yémen du Sud sont rangés du côté de l'Union soviétique, mais se définissent aussi comme des socialismes arabes. Par la suite, il y aura aussi l'Algérie. Et de l'autre côté, vous avez l'Arabie Saoudite, le Yémen du Nord. Donc il y a une sorte de clivage qui divise vraiment le Moyen-Orient entre les deux camps, mais en même temps qui renvoie aussi à des conflits internes. Donc ce n'est pas uniquement juste une conséquence, disons, de la guerre froide qui se mène à l'échelle planétaire dans la région. Nous, au contraire, il y a des enjeux extrêmement importants dans la région. Et cette situation continue jusqu'à la révolution iranienne de 1979. La révolution iranienne signifie que l'Amérique perd quand même l'un de ses alliés, et surtout l'Iran ne devient pas inféodal à l'Union soviétique. Donc du coup, une troisième puissance émerge, et à partir de 1979, on a l'impression qu'on assiste graduellement à l'épuisement de la capacité du système mondial à devenir l'arbitre des conflits. On assiste à un processus de fragmentation interne qui continue jusqu'à aujourd'hui, sans qu'il y ait nécessairement un arbitre. Les États-Unis peuvent avoir leurs alliés, mais cela ne leur permet pas de jouer un rôle d'arbitre. L'Union soviétique et par la suite la Russie peuvent avoir leurs alliés, mais cela non plus ne permet d'avoir une fonction d'arbitre. Et on l'a vu d'ailleurs dans les conflits des années 80. Au Liban, par exemple, c'était les Iraniens, les Israéliens, les Syriens, les Irakiens qui menaient la danse, mais ni l'Amérique, ni la France n'avaient plus la possibilité de jouer un rôle d'arbitre. 91, c'est l'Irak qui sort de la scène. Le régime de Saddam Hussein reste encore, mais il est vraiment ce qu'on appelle endigué. Donc tu n'as plus la capacité d'exercer un rôle régional. Et 2011, c'est la Syrie effectivement qui de fait sort de la scène régionale. Et le processus de fragmentation continue. Donc concernant votre question, à vrai dire, l'Union soviétique a envoyé quelques messages aux Kurdes, mais a surtout fait le choix de Bagdad et de Damas. Donc, du coup, par rapport à ces enjeux étatiques, alors que la mouvance kurde était très largement à gauche, par rapport à ces enjeux étatiques, la question kurde ne pesait pas. Donc, du coup, l'Union soviétique est devenue vraiment l'allié, le parent des deux régimes racistes dans les deux pays. Hein. Donc, aussi bien en Syrie qu'en Irak, d'ailleurs, on le voit, en Syrie, cela continue encore aujourd'hui. Ce qui était étrange, c'est que les Américains, après s'être beaucoup méfiés du régime irakien, se sont également rapprochés de l'Irak, et dans les années 80, l'Irak pouvait bénéficier de soutien aussi bien occidental que soviétique. Donc les Kurdes ont été sacrifiés parfaitement sur l'autel de ces enjeux de l'ère politique. Et concernant le PKK ne s'est jamais positionné comme un parti pro-soviétique, mais comme un parti marxiste-léniniste. À vrai dire, je pense que si on lit en détail le PKK, mais aussi des dizaines d'autres organisations à travers le monde dans les années 70-80, ces organisations ne sont pas du tout nécessairement marxistes-léninistes. Personne ne peut définir qu'est-ce que le marxisme-léninisme est. Il y a des interprétations locales qui sont faites. Il y a une sorte de fanonisme de Frantz Fanon qui est là. La lutte n'est pas seulement vue, la lutte est vue aussi comme une lutte d'émancipation de soi, de décolonisation de soi. Ce n'est pas uniquement de la lutte contre le système colonial, mais la production de l'homme décolonisé. Donc il y a vraiment une dimension aussi identitaire. Et le marxisme-léninisme, je veux dire, bon, ces gens-là lisent ce qu'ils peuvent lire à travers des traductions. La plupart d'entre eux sont très très très jeunes encore. Il y a un long moment de tâtonnement. Et l'adhésion à l'Union soviétique n'est pas aussi évidente. Et l'Union soviétique ignore leur existence. L'Union soviétique fait le choix du Parti communiste turc, qui, dans les années 60, est très très faible en Turquie, dans les années 70, a une présence, mais qui est de loin dépassée par des mouvements autrement plus radicaux. Dans les années 70, en Turquie, vous avez au moins 30-35 organisations radicales. Donc une partie sont pro-chinoises, voire pro-albanaises, même si la Chine ignore leur existence, l'Albanie ignore leur existence aussi. Donc je dirais que le message, la diffusion du message ne dépend plus de l'émetteur. L'émetteur depuis Moscou ou la Havane ou Pékin peut émettre un message. Ce message est reçu, mais le message est transformé, utilisé de manière active, interprété, se transforme en un code axiologique qui dépasse de très très très loin ce que l'émetteur a voulu, a pu imaginer ou a osé. J'avais une question par rapport à la langue kurde que vous avez abordée en début. Vous disiez qu'il n'y avait pas d'école du tout. Est-ce qu'il y a une transmission familiale? Comment ça se passe par rapport aux Kurdes aujourd'hui? Alors, il y a toujours eu des écoles en Irak seulement. Voilà. Mais pas en Turquie, c'est interdit. Pas en Syrie, où la langue kurde n'était pas reconnue, les Kurdes non plus d'ailleurs, comme communauté. Et pas en Iran. Donc, comment cela s'est maintenu? Cela s'est maintenu par deux ou trois biais. En premier lieu, les écoles religieuses, qui étaient plus ou moins clandestines. C'est des écoles de village, des écoles où on enseignait le kurde, mais où on enseignait aussi des sources quelque peu subversives, notamment un auteur du XVIe siècle, qui a écrit la première épopée qui est reconnue de cette taille en kurde, où il parle des Kurdes, de leur quête d'indépendance, etc., etc. Donc cela a été quand même le premier facteur. En deuxième lieu, il ne faut pas oublier que jusqu'aux années 80, le Kurdistan était essentiellement agricole. Les villages, les populations rurales représentaient 15% de la population totale. Donc il y avait des villes qui étaient extrêmement importantes, mais disons que ces villes se trouvaient vraiment au milieu d'un océan d'entités rurales. Et la présence de l'État dans ces entités rurales était extrêmement faible. L'État pouvait venir pour imposer les taxes. Il y avait des opérations de ratissage. Quand il y avait des révoltes, une partie de ces villages était systématiquement détruite. Il n'en restait donc pas moins. C'était les villages qui portaient la langue. Donc ce qui explique qu'effectivement, il y a eu cette survie de la langue. Et après, dans les années 80, la diaspora l'a maintenue un peu. La transfrontalière l'a maintenue un peu. Aujourd'hui, donc. Je dirais qu'a priori, le risque de disparition n'existe plus. Ne serait-ce que parce qu'il y a des dizaines de chaînes de télévision, sans doute plusieurs milliers de sites internet. Il y a quelques écoles en Turquie, mais extrêmement limitées. Et l'un des points de négociation, mais qui n'aboutissent pas du tout, porte sur la reconnaissance du kurde comme langue officielle, donc langue d'éducation de Kurdistan. Qui n'est pas reconnu. Bon, au Kurdistan d'Irak, aujourd'hui, à la limite, le problème se pose, les gens ne parlent plus du tout l'arabe. Les jeunes ne parlent plus du tout l'arabe. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que, j'ai parlé de cette diaspora en Europe, il y a eu aussi une diaspora interne. au Moyen-Orient, au Liban, en Jordanie, et des départs massifs aussi vers des lignes turques, arabes ou persans. Et là, on aurait pu penser qu'effectivement les Kurdes allaient disparaître. On a l'impression que l'enjeu est devenu tellement important aujourd'hui que beaucoup de ces jeunes réapprennent le kurde, ou leurs enfants réapprennent le kurde. Peut-être qu'on peut prendre d'autres questions. Deux ou trois questions dans ce groupe, peut-être. Oui. Ouais. Là, il est le d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du point de continuité biologique avec les voisins. J'ai vu, il y a pas très longtemps, il y avait une brigade arabe en Syrie, chez les Turcs, des Kurdes de Syrie. Donc, est-ce que c'est juste quelque chose qu'on n'entendait pas, ou est-ce qu'il y a de plus en plus les liens se font de façon et institutionnel. On peut faire prendre plusieurs questions à la fois. Oui, voilà. D'autres questions? Je voudrais parler de l'aspect économique, puisque c'est quand même une région où il y a du pétrole. Alors, est-ce que le pétrole rentre en jeu dans ces conflits? Ici? Oui, je voulais vous demander si on n'a pas un peu tort de considérer l'État islamique comme étant une espèce de génération spontanée. Est-ce que ce n'est pas finalement le produit du conflit direct entre, je dirais, la Turquie et l'Iran pour la domination dans la région? Et troisièmement, est-ce que ce n'est pas ce qui pose le plus de problèmes de relations, d'alliance pour la cause kurde même autour de la région? Il y avait une autre main qui s'était levée, puis on sortira. Donc, si j'ai bien compris, donc l'Occident redessine les frontières et prive les Kurdes de territoire. Et après ça, finalement, les Kurdes prennent l'Occident comme modèle. Tout le monde se dit qu'il n'y a pas eu de rancœur vis-à-vis de l'Occident qui est privé de leur pays. Alors, concernant la première question, il y a effectivement une brigade de l'armée syrienne libre. Qui est entré à Kobané et qui s'est battu avec les Kurdes contre l'État islamique. Mais leur nombre est très très limité. Et eux-mêmes sont dans une situation assez pitoyable. Si vous prenez... Pour comprendre ce qui se passe, il faut vraiment prendre en considération la chronologie du conflit syrien. Et le conflit syrien change de nature tous les 12 mois. Devient un autre conflit. La raison est qu'il est tellement dense que les dynamiques présentes à un moment donné s'épuisent totalement en 10 ou 11 mois et donnent lieu à quelque chose de beaucoup plus grave. Juin 2011, c'est la fondation de l'armée syrienne libre. Donc cette armée dont vous parlez. Et ça veut dire qu'effectivement, on assiste à une militarisation du conflit. Jusqu'à maintenant, l'opposition est pacifique. À partir de là, une partie de l'opposition est bien armée, mais entre aussi dans une logique de confessionnalisation qui a été imposée par le pouvoir. Le pouvoir voulait la confessionnalisation de l'opposition. 18 juillet 2012, vous avez un attentat extrêmement important à Damas qui décapite une partie du régime. Et au lendemain de cet attentat, le régime se retire du Kurdistan en grande partie et commence à utiliser l'aviation. Depuis, c'est l'aviation qui est utilisée pour écraser la rébellion. Dans le sillage, le mouvement qui s'était militarisé et confessionnalisé commence à produire des dynamiques de radicalisation, cette fois-ci, qui se traduisent par la djihadisation. Été 2013, Al-Qusayr est repris par le pouvoir, plutôt par le Hezbollah. Al-Qusayr, c'est une ville à la frontière libanaise. Le Hezbollah entre officiellement dans le conflit et on voit se constituer un Alawistan. Al-Qusayr, une partie de Damas, rompt ce qui est l'idée de sa population et la patrie. Été 2014, le conflit syrien devient un conflit irako-syrien avec ce qui s'est passé cet été. Donc, la dynamique de l'île. Et j'ai énormément peur de ce qui va se passer en été 2015. Cela explique pourquoi le mouvement de de l'opposition armée syrienne libre, qui était la principale organisation armée de résistance en 2011, aujourd'hui se trouve vraiment réduite comme une peau de chagrin, qui a perdu énormément de territoire, énormément d'hommes, énormément d'influence, et qui risque tout simplement d'être exterminé. On n'est plus du tout dans une logique conflictuelle où on se fait la guerre et on négocie après. On est dans une logique vraiment d'extermination, par exemple. Et donc, du coup, à la limite, paradoxalement, les Kurdes sont devenus un peu une chance également pour eux. Voilà. Mais ça pèse très peu sur le tableau général. Les îles contrôlent 200 000 km². Le pétrole, je crois que le pétrole est une question effectivement extrêmement importante. À deux reprises, elle est devenue très importante. Il est devenu très important. Dans les années 1910 et 20, la Première Guerre mondiale a montré l'importance du pétrole. L'Allemagne n'avait pas beaucoup de pétrole. L'Angleterre aussi. Et donc, du coup, quand il y a eu la division de l'Empire ottoman, l'attachement du Kurdistan, d'une partie du Kurdistan à l'Irak, s'expliquait en grande partie par ce fait-là. Il fallait nourrir l'Irak, il fallait rendre l'Irak viable, d'autant plus que l'Irak était le point situé sur la route de l'Inde. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement cynique. Hein. Mais bon, voilà. En dehors de cela, le pétrole n'a pas beaucoup pesé, mais durant cette décision, oui. Et puis, depuis une dizaine d'années, le pétrole pèse énormément, parce que il y a beaucoup de pétrole au Kurdistan, qu'on a découvert. Il y a beaucoup de pétrole dans la ville de Kirkuk, dans la région de Kirkuk, que les Kurdes revendiquent depuis les années 1920, et qui restait majoritairement kurde malgré des purifications ethniques atroces par le passé, et qui, depuis cet été 2014, est totalement contrôlé par les Kurdes. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même un enjeu. Mais disons que cet enjeu n'explique plus le conflit irakien, puisque l'essentiel des champs de pétrole de l'Irak se trouve désormais dans le sud et non plus dans le nord. À la limite, hein, l'Irak peut se passer du Kurdistan et du pétrole kurde. Il est quand même, je crois, le deuxième et le troisième producteur mondial, mais ce sont surtout les pétroles les plus riches qui sont les pétroles du sud. Et dans la zone kurde de Syrie, il y a aussi également une partie du pétrole, mais qui disons qu'il ne pèse pas grand-chose. Il y aura aussi peut-être beaucoup à dire sur l'eau, qui compte énormément aussi. L'État islamique n'est pas une génération spontanée, vous avez absolument raison, et en même temps n'est pas non plus le produit d'une lutte entre l'Iran et la Syrie. La Turquie, pardon. Et, si vous voulez, l'une des questions que des gens se posaient, Ernest Bloch, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Hafner, etc., par rapport au nazisme, c'était « on ne comprend pas le nazisme ». Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas son histoire, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas sa généalogie, mais on a l'impression qu'effectivement, le nazisme s'affranchissait constamment de ses conditions de naissance et de ses conditions de récomposition. Le nazisme s'affranchissait de sa propre généalogie. Elle se transfigurait. Le nazisme de 1923 est encore un nazisme antisémite d'un Jugendamt de droite, redéfini par les Freikorps. Le nazisme de 1933, c'est totalement différent. De 1939, c'est totalement différent. De 1941, est totalement différent. Alors que vous avez une filiation. Vous continuez, vous pouvez observer les gens. Et de la même manière, on a... Et j'arrive pas à trouver d'autres points de comparaison entre les îles et le nazisme ou éventuellement les Khmer Rouges. Ce qui se passe avec les îles, c'est qu'on a parfaitement une généalogie. On connaît. 1982-83, c'est ce qu'on appelle le moment Azam, un imam, un religieux palestinien, jordano-palestinien qui va devenir le théoricien, voilà, sunnite. Qui va devenir le théoricien d'Al-Qaïda, enfin, le théoricien de ceux qui va devenir Al-Qaïda, donc le théoricien du djihad. 1988, c'est la fondation d'Al-Qaïda. 1991, c'est la récomposition d'Al-Qaïda. Après, vous avez les attentats du 11 septembre. Après, on connaît mais vraiment chaque étape de cette mouvance, jusqu'à la création de cette EIL qui est dans une continuité d'Al-Qaïda. Donc, vous avez une histoire longue de 30 ans. Et de l'autre côté, l'organisation se récompose, se reconfigure, se transfigure par ses propres radicalités, par ses propres dynamiques de radicalité. Contre toute alliance avec les Chinois, par rapport à Al-Qaïda, ce qui différencie Al-Qaïda de l'État islamique, c'est la rupture avec tout le monde chinois. Oui, bien sûr. Il y a ça. Logistique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est pour ça que ça nous échappe. Je veux dire, on a son histoire, on a son idéologie, et les mouvements nous échappent. En 82, je veux dire, la Turquie et l'Iran n'interviennent absolument pas sur cette scène. 88, personne ne sait qu'Al-Qaïda est fondée. 91, voilà, Al-Qaïda ne compte pas, on parle de GIA après, de groupe islamique armé. Donc voilà. Et donc vous voyez, vous avez ce mouvement qui s'amplifie, mais en s'amplifiant, se transforme, en se transformant, change complètement effectivement de forme axiologique. Mais cela étant dit, trois pays ont très lourdement, ont joué un rôle extrêmement important dans la confessionnalisation de la région. L'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Qatar un peu, au cours des trois dernières années. Hein. L'Iran, parce que l'Iran a une diplomatie milicienne dans la région, donc une diplomatie militaire, mais de proximité, à travers son implantation au sein des chiites. Vous avez l'Arabie Saoudite qui a allègrement et éhontément financé tous ces mouvements-là pour émettre un démenti après chaque fois. Et je crois qu'y compris aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, non pas en tant qu'État, non pas Riyad, mais en tant que composante d'establishment, continue à se tenir. Et la Turquie, qui a une violente nostalgie d'empire, mais qui n'a pas de répondant, ne trouve pas de répondant dans la région. Et donc, du coup, qui joue vraiment le jeu du pire en soutenant Jabhat al-Nusra, qui est Al-Qaïda en Syrie, ou cette organisation des îles, au moins par complaisance, si ce n'est bien plus. Donc, je crois qu'effectivement, voilà, on voit que ces pays ont joué un rôle, mais en même temps, on n'est plus en face d'un mouvement. Voilà, ce n'est pas une génération spontanée, c'est un mouvement qui a une histoire de 30 ans. De l'autre côté, je vais dire, les brigades comme Badr, etc., des Irakiens chiites, sont extrêmes. Enfin, par exemple, vous parliez de Kirkouk, il me semble qu'ils ont un appétit un peu particulier à vouloir essayer de récupérer Kirkouk à un moment donné. Je pense qu'ils s'en ficheraient. Ils s'en ficheraient si c'est nécessaire. Ils s'en fichent pas si nécessaire pour eux. Le contrôle de Samara, de Karbala, etc., c'est beaucoup plus important. D'accord. Voilà. Kirkouk, je crois que c'est vraiment le moindre de leurs soucis pour le moment. Mais voilà, mais j'arrive pas à me prononcer sur l'horizon de 2016. Mais pour le moment, je crois que c'est vraiment le moindre de leurs soucis. Et en 2012, je vous aurais dit oui, bien sûr. Mais la donne a tellement radicalement changé. En été 2014, voilà. Et radicalement changé, je veux dire là aussi la chronologie. La ville de Fallujah est tombée le 4 janvier 2014, il y a un an. Et la ville de Fallujah, c'est une ville de 300 000 habitants, et c'est passé comme un fait divers. Mossoul est tombée en 10 juin 2014. Voilà, 6 mois après. Et aujourd'hui, effectivement, on se trouve en face d'un état de 200 000 km², qui est dans une logique de pure extermination, qui a à la fois sa rationalité, qui augmente les salaires des fonctionnaires, qui organise des matchs de foot, mais qui redéfinit la règle de foot aussi, voilà, qui assure l'électricité, qui décapite, qui a un ministère de culture qui détruit des bibliothèques. Donc vous avez un État qui à la fois voilà, qui est État et anti-État, qui est dans une logique de rationalité et d'une logique qui détruit sa propre rationalité, qui est à la fois dans la construction et dans le mobilisme pur, et tous les acteurs de la région, y compris l'Arabie Saoudite, doivent gérer ça. Et on ne sait pas comment. Donc voilà, ce qui s'est passé en 2014, c'était vraiment pas du tout un fait divers, même si la chute de Fallujah est passée comme un fait divers. Oui, madame, je crois que votre question, c'est tout à fait fondée. C'est tout à fait fondée. En même temps, vous avez constamment besoin d'un discours universel. Sans ce discours universel, vous ne pouvez pas rester un village gaulois. Donc, du coup, ce discours universel peut venir parfois, y compris de ceux qui vous ont sacrifié, mais avec un retournement de situation, nous partageons vos valeurs, vous avez trahi vos valeurs. Donc l'adhésion au discours universel de l'Occident, ça peut être aussi ça. Voilà. Vous avez vous-même trahi vos valeurs. Et dans toutes les luttes anticoloniales, on a ça aussi, y compris de gauche. Vous avez prôné la liberté et l'égalité, vous nous avez imposé le colonialisme. Nous nous battons contre vous au nom de vos valeurs. Et jusqu'à récemment, effectivement, le discours en Moyen-Orient, c'était ça. Ce n'est qu'à partir de l'islamisme, de ce moment islamiste, que vous avez des gens qui disent, en Occident, nous nous battons contre vous au nom de nos valeurs. Donc, le changement de 79-80, où l'islamisme devient de la syntaxe dominante, est déjà là. Et aujourd'hui, sans doute, les Kurdes ne sortiraient plus ce discours de trahison, mais ne pense pas de rappeler à l'Occident que bon, ben, si le Kurdistan a été divisé, c'était à cause de cela. Et si Kobané se trouve dans la continuité directe du Kurdistan de Turquie, par sa population, par territorialement, mais totalement encerclée en Syrie, eh bien, c'est qu'il y a eu quand même des Français et des Turcs qui ont dit bon, ben, la frontière, ça va ici. D'autres questions? Non? Peut-être que je vais savoir, du coup, pour revenir là-dessus, sur vos dernières remarques, est-ce que le fait d'avoir un ennemi commun entre l'Occident et les Kurdes, qui serait l'ennemi commun, qui serait l'État islamiste, et c'est des mêmes valeurs partagées, donc des valeurs occidentales partagées, pourrait permettre d'imaginer une future alliance de Kurdes et le monde occidental qui pourrait permettre une reconnaissance, ou du moins un processus accéléré de reconnaissance du Kurdistan. Très difficile à dire. Cette alliance existe. Cette alliance est là. Je veux dire, sur le terrain, l'alliance est là. Le seul endroit où les Américains peuvent aller sans risquer la vie, c'est quand même le Kurdistan. Il y a eu quand même une aide militaire américaine, mais aussi européenne, aux Kurdes irakiennes. Il y a eu une aide militaire directe ou indirecte des Américains aux Kurdes de Kobané, qui sont quand même proches du PKK, déclarés organisation terroriste et par les États-Unis et par l'Europe. Donc vous avez très concrètement cette alliance qui est sur place. Et d'autant plus que moi, je veux dire, tout à l'heure vous disiez, monsieur, que bon, c'est un conflit entre l'Iran et la Turquie. Il y a beaucoup d'Américains qui pensent que le Daesh ou l'État islamique est la milice de la Turquie en Syrie. Donc voilà, la méfiance par rapport à la Turquie est allée tellement loin, et la Turquie est dans un tel aveuglement pour ne pas le voir, qu'aujourd'hui on a l'impression que bon, voilà, c'est les Kurdes qui ont remplacé les autres alliés disponibles, non pas parce que... il n'y a pas de volonté d'aider les Arabes, mais il n'y a pas de force arabe. Juste pour vous donner une idée, la reconstruction de l'armée irakienne a coûté 25 milliards de dollars. Et le budget annuel de l'armée irakienne est de 19 milliards de dollars. Et cette armée était surprésente dans la ville de Mossoul. Quand Mossoul est tombé, il y avait 86 000 hommes armés, policiers et militaire, très lourdement armée avec l'équipement américain, et 500 milliards de dollars dans les caisses. 500 millions de dollars. La ville est tombée en 2 minutes. Ils étaient complètement corrompus. Bien sûr. Et les Kurdes disaient quand même... Chiitisés. Voilà. Les Kurdes disaient, ben, on peut venir vous aider. Il y a eu le refus total de l'aide kurde. Vous aurait pu ne pas tomber. Donc voilà. Vous êtes dans cette situation. Vous avez 86 000 hommes armés qui partent en quelques minutes, il n'y a pas de capacité, et la ville n'a pas la capacité de se défendre. La ville est pacifiée. Donc un penseur arabe, Ibn Khaldoun, du XIVe siècle, disait que bon, on ne peut pas créer la civilisation si on ne pacifie pas la cité, Et si on pacifie la cité ne peut plus se défendre contre ses ennemis. Et donc, en quelques minutes, la ville est tombée. Et donc, là, les Kurdes sont là, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'effectivement, les Kurdes sont devenus un peu l'élément dynamique. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que les Kurdes font? Pourquoi ils ne sont pas l'Irak? Pourquoi ils ne sont pas la Syrie? Ce qui n'est pas si évident que ça. Donc, je crois que cette alliance est là, mais cette alliance peut permettre effectivement de construire aussi un langage commun. Mais de l'autre côté, nous ne nous leurrons pas non plus. Aujourd'hui, on est en face d'une stratégie d'endiguement, plutôt que d'une stratégie d'écrasement de l'État islamique. Sans doute, il faudrait des forces extrêmement importantes pour pouvoir démanteler l'État islamique, ce qui n'est pas évident. Si on reste encore 3 mois, on se trouvera exactement dans la même situation face à Boko Haram. Donc, une fois que vous avez de tels types d'établissements, après de les démanteler, c'est extrêmement difficile. Donc, je ne sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Et demain, les Américains ou les Occidentaux peuvent partir. Eh bien, les Kurdes ne peuvent pas partir en 30 millions, c'est quand même beaucoup. Donc, il y a aussi cette peur. Donc, quand je disais que la ville qui se voulait Athènes est obligée de se réorganiser sous forme de Sparte, hein, c'était aussi simple. C'est qu'à un moment donné, la militarisation est là, inévitablement. Je sais un peu du sujet, mais pour revenir aux frontières, est-ce que, à votre avis, est-ce que vous pensez que la dénonciation des frontières imposées par les Syriens, au cours de l'histoire, peut amener en Afrique une dénonciation du Congrès de Berlin, et surtout ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique occidentale, le mouvement type Boko Haram ne veut pas tenir compte de ses frontières, est-ce que dans un milieu proche, plus lointain, on peut voir. Les gens sont prononcés sur une réétude, une dénonciation complète de frontières. Très difficile à dire, vraiment très difficile à dire. Les frontières qu'on a aujourd'hui dans le monde sont tracées sur la logique de l'État westphalien. L'État westphalien, donc effectivement cet État qui a été immunisé en 1648, hein, c'était la formule pour permettre à l'Europe de sortir de ses guerres de religion. Mais en légitimant l'État par ces traités de Westphalie, c'est-à-dire cette micro-principauté, on a, Bertrand Badi lui explique très bien, on a aussi enterré toute l'idée d'entité européenne supranationale. Et à la limite, je dirais que l'État westphalien, qui a été imaginé comme un instrument de paix, quelques siècles après, a donné quand même les horreurs de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et le Congrès de Berlin, et surtout par la suite, le mouvement de colonisation et de décolonisation, n'ont fait que généraliser ce principe d'État westphalien après une longue période de colonisation. Et aujourd'hui, on voit que le blocage est là. Le blocage est là, et un collègue à nous, Achille Mbembe, a écrit un remarquable ouvrage qui s'appelle « Sortir de la grande nuit » sur l'Afrique. Et les articles qui sont dans cet ouvrage ont été écrits en partie dans les années 80, 90 ou 2000. Mais quand on lit les articles, on comprend parfaitement ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on lit pas mal de textes du passé, on comprend pourquoi le Moyen-Orient est dans cette situation. Donc, est-ce qu'on peut élaborer des frontières ainsi et les imposer, les sécuriser, alors que bon, ben, l'État westphalien est en crise, l'État, de toute façon, se retirait d'énormément de domaines, aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient. L'État est devenu quelque peu prédateur, n'était plus en mesure ni d'assurer un état-providence ad minima, ni sécuriser les frontières, ni protéger sa propre population, et d'autres formes de construction émergent, et ces constructions n'ont aucune intention de respecter les frontières qui ont été imposées. Sauf que ces nouvelles forces émergent dans une violence inouïe, et qui créent des constructions aussi qui peuvent ne pas du tout être viables. Alors être viable, mais au prix d'une économie de prédation et d'une économie de misère. Après, est-ce qu'il sera possible de dire, bon, ben, on refait un congrès de Berlin pour défaire ce que le congrès de Berlin a fait, on refait un congrès de Lausanne pour défaire ce que le congrès de Lausanne a fait, et que cette fois-ci, on écoute la volonté des peuples, je crois que, bon, ça me paraît très très difficile. Je ne vois pas qui prendrait le risque Et surtout, est-ce qu'il resterait encore des sociétés? La crise est arrivée à un tel point qu'aujourd'hui, les sociétés disparaissent. Je ne suis pas tellement certain qu'en 2020, on pourra encore parler d'une société syrienne ou d'une société irakienne si la crise continue avec une telle densité. Vous parlez de votre préoccupation pour l'été 2015, qui sont entendues. Et je ne sais pas, parce que je vois que le conflit se réconfigure tous les étés. Je suis effaré par ce qui se passe au Liban, qui sur la brèche se maintient, mais vraiment sur la brèche. Mais en 2014, le conflit a cessé d'être un conflit syrien, ou le conflit a cessé d'être un conflit irakien, pour devenir un seul conflit. Et là, on a vu, effectivement, voilà, la frontière n'existe plus. La frontière entre l'Irak et la Syrie n'existe plus. À vrai dire, la frontière entre la Syrie et le Liban, de fait, n'existe plus non plus. Quand vous voyez la présence, quand même, des militants de Al-Qaïda et non pas de Daesh sur cette frontière, quand vous voyez l'implication de Hezbollah dans le conflit syrien, non, je veux dire, cette frontière, de fait, a disparu. L'État libanais, encore un libanais, de plus en plus fragile. L'État libanais n'a plus de gouvernement, de toute façon, s'il y a un gouvernement, n'a plus de présidence, mais l'État libanais ne contrôle plus sa frontière. Ni les acteurs qui franchissent cette frontière avec des armes d'un côté ou de l'autre. Pour venir peut-être à la chose qui vous préoccupe essentiellement, comment caractériseriez-vous la violence actuelle que vous observez? Vous nous avez introduit, pour éclairer un peu, une analogie de nazisme, de la peuple, des Khmers rouges, etc. Mais quelle est la nature de cette violence actuelle? Et si on essaye de faire des comparaisons par rapport à une histoire universelle qui a connu aussi des séquences de violence énormes sur des populations. Bon, ben ça, quelle est la forme, l'intensité, je ne sais pas, l'extension, l'organisation, les systèmes de légitimation qui feraient soit que nous assistons à un système de violence qui a déjà été connu, ou bien s'agit-il, là on rentre presque à un domaine de discussion métaphysique, et s'agit-il d'autre chose qui est en cours? Est-ce qu'il n'y aurait pas la moindre perspective du fait de cette violence à l'autre dans un projet de confédération des minorités, tel que ça fait très peur à plusieurs États centraux, donc, Non, je pense que la question pourrait se poser à un moment donné. Hein. Là aussi, je veux dire, voilà, quand, comment, etc. Pour le moment, une chose est certaine, la Turquie et l'Iran sont encore des entités solides. Mais des entités quand même aussi fragiles, fragmentées, professionnellement parlant, ethniquement parlant, des entités qui sont devenues des théâtres d'un Kulturkampf. Kulturkampf, c'était vraiment le terme qu'on utilisait en Allemagne de Bismarck. Hein. Une lutte culturelle, mais vraiment à mort, autour des valeurs à mort. Dans ces deux pays, on le voit très clairement aussi en Turquie, mais en Iran aussi, l'espace kurde s'est sociologiquement différencié. Le Kurdistan, c'est sociologiquement différencié aujourd'hui du reste de la Turquie, et a constitué un microclimat. Donc on peut parfaitement imaginer que demain, soit les frontières ne disparaissent pas, mais il y a d'autres entités transfrontalières qui se mettent en place tout en préservant les frontières. Voilà, une sorte de Kurdistan existe, une assemblée kurde existe, il y a un espace kurde reconnu, et de l'autre côté, chaque État est également maintenu. Ça peut être une solution. En deuxième lieu, on peut avoir peut-être une pluralité d'États kurdes. On en a déjà deux. Voilà. Une entité kurde en Syrie, une entité kurde à l'Iran, en Irak, qui ne sont pas fonds, qui ne se font pas, qui ne constituent pas une seule entité, qui n'ont pas les mêmes organes, qui n'ont pas la même culture politique, qui ne prennent pas la même formule politique, mais qui ne peuvent pas s'ignorer l'une et l'autre. Et qu'il y a des continuités constantes, y compris en termes militaires. Voilà, les Kurdes militaires, les militaires kurdes irakiens sont au Kurdistan de Syrie, et les hommes de PYD, donc les partis dominants en Syrie, et au Kurdistan d'Irak. Donc voilà, il y a des collaborations. Donc on peut parfaitement envisager aussi des choses comme ça. D'ailleurs, il y a énormément de débats hein, sur en Turquie même, sur voilà, un Moyen-Orient confédéralisé. Concernant votre question, monsieur, donc je commencerai par la fin de votre question. Est-ce qu'on est en face de quelque chose de métaphysique? Le problème, c'est qu'on peut avoir des situations dans lesquelles le mal existe, mais sans rapport, sans un lien dialectique avec le bien. Et donc, du coup, la condition même de cette dialectique métaphysique est prise. Et Karl Kraus, donc le philosophe allemand, analysait ça, mais vraiment dans un ouvrage qui est très pertinent, qui s'appelle « La troisième nuit de Walpurgis », pour parler du nazisme. Donc, la troisième nuit de Walpurgis, la nuit durant laquelle toutes les forces du mal réjaillissent de la terre. Mais où trouver le bien? Donc, est-ce qu'on est en face d'une violence unique dans l'histoire mondiale, sans doute? Non. Voilà. Cette violence, ça se caractérise par ce que Étienne Balibar, hein, qui est un philosophe français, Étienne Balibar disait qu'il y a deux types de violence. Ultra-objectif, donc dans une très grande rationalité, qui peut viser la conquête du pouvoir, hein, qui peut viser l'accès aux ressources économiques, hein, qui peut viser la construction d'un groupe hein, de solidarité, tout ce que vous pouvez imaginer, et de l'autre côté ultra-subjectif, hein, autrement dit, qui peut se légitimer par les valeurs, les croyances, les convictions, etc. Et donc là, on a l'impression qu'on a une type de violence qui combine les deux. N'oppose pas les deux, mais combine les deux. Qui vise le pouvoir, la construction du pouvoir, l'accès aux ressources. Et de l'autre côté, qui est aussi ultra-subjectif, hein, car sacralise la cause, transfère la légitimité à une instance hein, finalement qui est l'au-delà, ce qui lui permet de se déresponsabiliser éthiquement. Le meurtre de Diane, quelque chose qui est parfaitement accepté dans le cadre de cette interprétation de la cause. Vous avez d'un côté quelque chose d'extrêmement rationnel, et de l'autre côté un nihilisme qui détruit cette rationalité, les attentats suicides. En Irak, je crois qu'en 10 ans, il y a eu quand même plus de 1000 attentats suicides uniquement dans l'Irak. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, un attentat suicide ne choque plus personne. Alors que un seul attentat suicide, c'est quand même en soi quelque chose de totalement bouleversant. Donc, il y a la construction d'une rationalité et la destruction de cette même rationalité. C'est pour ça que j'ai mentionné effectivement le nazisme, parce que le nazisme avait aussi cette rationalité. Quand vous prenez la reconstitution de l'Allemagne de Weimar sous Hitler, vous êtes impressionné. La réorganisation de l'armée, le chômage disparaît, la réorganisation de l'industrie, et de l'autre côté, une logique millénariste qui détruit parfaitement cette rationalité. Sans doute, il y a eu aussi des mouvements millénaristes au début du XVIe siècle qui ont plus ou moins obéi à ce type d'action sur lesquels j'ai un peu lu. Peut-être les Khmer Rouges, mais il n'en reste pas moins que je crois que ces situations relèvent de l'exception. La violence rationnelle, une guérilla normalement est rationnelle, prend énormément de risques, mais voilà, on veut construire, on veut libérer le Vietnam, on peut construire un pouvoir socialiste, etc. Donc vous avez vraiment la rationalité, la violence est un instrument. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plein qui est plus complexe. À à la limite, je dirais que bon. Qu'est-ce que vous dites? Elle est une femme, elle est son propre talent, si elle n'est pas un moyen. Mais elle ne peut pas devenir son propre talent non plus. Ce type de violence ne peut pas devenir son propre talent. Une fois de plus, je n'écarterai pas cette idée du mal, hein, je veux dire, mais je ne pourrais pas définir métaphysiquement. On est vraiment en face d'un casse-tête. Je veux dire, on est en face d'un casse-tête, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être relire le livre de Norman Cohn sur les fanatiques de l'Apocalypse, sur le mouvement messianique. Et c'est vrai que pour des raisons multiples, ces dernières années, j'ai beaucoup lu sur le nazisme. On est impressionné, mais en même temps, mieux on connaît le nazisme, moins on comprend. En gros, il n'y a plus aucune piste explicative qu'on puisse apporter, et en même temps, le nazisme reste ce gros morceau énigmatique qui nous échappe. La destruction de soi, la destruction qui, de ce qui est créé, fait partie du nazisme. C'est pour ça qu'on aurait pu imaginer un nazisme qui aurait gagné la guerre, mais pas une Allemagne nazie. C'est-à-dire, inévitablement, il aurait eu d'autres dynamiques de destruction de soi. Un grand merci à nouveau.